Mireille Kanyang. Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. Un homme de la commune Outaganzo en province Kayanza est mort la nuit de mardi après avoir été durement frappé par sa femme. L'organisation Hommes en détresse de Kayanza tire une sonnette d'alarme. Dans cette édition, on revient sur le manque de matériel et de personnel qualifié à la police de protection civile. Seules 9 provinces sur 16 ont des camions citernes. Dans cette édition, on parlera également des abandons scolaires en province Rumonge. Le directeur provincial de l'enseignement dans cette province ordonne désormais l'inscription dans les premières années par la présentation des extraits d'actes de naissance. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Albert Douayo. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Une femme originaire de la colline Kahise, en commune Outaganzo de la province Kayanza, est locataire du cachot du commissariat de police en cette province depuis ce vendredi. Les informations sur place qui sont confirmées par la police à Kayanza disent qu'elle a été arrêtée pour question d'enquête judiciaire après avoir tué son mari la nuit de mardi. La semaine en cours allait des coups de pilon, des conflits conjugaux liés aux violences économiques seraient la source de son meurtre. Selon les mêmes sources, le point avec Patrick Nsengiyumva. D'après les informations fournies par Nouimana Salomé, le chef colonel Gahisha en commune Outaganzo, son couple marié dont le mari a été tué par sa conjointe vivait dans de perpétuels conflits conjugaux basés surtout sur la gestion des biens familiaux. Il indique que ce meurtre qui a eu lieu a comme cause principale une propriété foncière de la famille qui a été louée par la femme à l'insu de son mari et celui-ci qu'après l'avoir tué a ordonné la suspension du contrat de location. Le chef coroner Gaï s'est fait savoir que mardi le soir, la victime est rentrée en état d'ébriété et qu'il a trouvé que sa femme n'est pas encore rentrée et a fermé la porte de la maison pour la laisser dehors. Ndouimana Salomé fait savoir qu'avec un intervention des enfants, cette femme est parvenue à entrer dans la maison par effraction et qu'en collaboration avec ces enfants-là, le mari a été poignardé au niveau de la tête à l'aide du pilon et tomba ainsi en syncope. Les voisins l'ont évacué au centre de santé Nyarurama. Il a été refoulé à l'hôpital Moussema puis en mairie de Bujumbura où il est mort à cause des blessures lui infligées, ajoutait-il. Au niveau de l'association Omande 13 qui milite pour la défense des droits des hommes à Kayanza, l'on demande que justice soit faite et que la présumée auteur du crime soit punie conformément à la loi. Boniface Ndouimana, président de cette association, appelle également l'administration à suivre de près les violences basées sur le gène faites aux hommes dans les ménages, expliqua que ces violences sont devenues monnaie courante ces jours-ci. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganilo. Merci à Patrick Nsengiyumva et le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, compte continuer à accompagner les militaires burundais dans le rétablissement de la paix en Somalie, en Centrafrique et en République démocratique du Congo, surtout en ce qui est du secourisme et ce qui est du respect des conventions internationales de la guerre. Ceci a été déclaré ce vendredi par Katia Sorine, la chef de la délégation régionale du CICR, ce samedi dans le camp militaire de Moudoubougou, alors que 22 militaires hommes de troupes de la première région militaire recevaient des certificats après une formation de 5 jours des premiers secours organisés par le Comité international de la Croix-Rouge. Le point avec Évariste Nzikobanyanga. 22 militaires, tous des troupes qui ont été formés en secourisme dans le camp militaire de Moudoubougou, qui avaient été formés à la matière lors de leur entrée dans l'armée, trouvent que la formation de premier secours de la part du CICR est une valeur ajoutée. Caporal Chef Harimana est parmi ces militaires formés. Premièrement, je remercie l'armée qui nous a choisis parmi les autres pour venir suivre cette formation. Ceux avec qui nous étions ensemble ici, nous nous sommes bien comportés. Nous remercions vraiment CICR qui a organisé cette formation, une formation pareille. Nous l'avions faite lors de l'entrée dans l'armée, mais celle organisée par ce comité international de la Croix-Rouge, c'est une valeur ajoutée. Au sein de la FDNB, l'on salue cette formation. formation de premier secours à l'endroit des militaires troupes de la première région militaire. Mais l'on demande que ces formations puissent s'étendre dans d'autres régions militaires. Général de brigade Nzigama Sabo Corneille est chargé des ressources humaines au sein de la FDNB. Ici, nous sommes dans la première région militaire, mais nous demandons que cette catégorie de formation soit organisée dans d'autres régions militaires. Ça pourra aider en général de secourir tout le monde en cas d'accident dans leur zone d'opération. Katia Sorine, la chef de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge, indique que ce comité va rester aux côtés des militaires burundais, surtout qu'ils interviennent dans le maintien de la paix dans différents pays. Nous organisons pour les soldats de la FDNB lorsqu'ils sont envoyés en opération militaire. Donc ça, c'est une action que nous allons continuer l'année prochaine et qui est très importante, car ces formations sont là pour informer les soldats sur les règles liées au droit international humanitaire dans le cadre d'opérations militaires à l'extérieur. La chef de la délégation du CCIR en Ouganda, au Rwanda et au Burundi a profité de cette occasion pour dire que ce comité n'intervient plus dans l'assistance des prisonniers ainsi que dans l'adduction de l'eau potable au Burundi suite au manque de moyens financiers. Le manque de matériel et de personnel qualifié sont quelques-uns des défis qu'enregistre la police de protection civile dans l'exercice de ses fonctions. Une affirmation faite par le président de la plateforme nationale de prévention des risques ce vendredi en marge de l'intervention des sapeurs-pompiers pour éteindre l'incendie qui ravageait un débit de boisson Win Club sur le boulevard de Luprona, une personne ayant péri dans cet incendie. Au moment où 9 provinces seulement sur 16 possèdent un camion extincteur, Anse Nibaruta demande au gouvernement d'octroyer du matériel à cette police. On l'écoute au micro de Sheila Irambona. Aujourd'hui, on fait face à une situation où on a un problème d'équipement. Les équipements, surtout les camions anti-incendie, les camions citernes. Nous avons un problème d'équipement par rapport aux rivières qui ont des méandres qui envahissent des ménages. Nous avons besoin de ces équipements pour pouvoir tracer les lits des rivières. Nous avons besoin des tronçonneuses pour ouvrir les routes qui sont barrées par des arbres tombés à cause des pluies torrentielles associées au vent violent. Et nous avons aussi besoin d'une augmentation en nombre du personnel qualifié. Et nous pouvons les former, mais nous avons besoin de tous ces équipements et du personnel. On lance un appel encore une fois aux gens qui veulent suivre ces formations de venir à la protection civile. Ils vont bénéficier de ces formations pour apprendre les techniques de lutte contre les incendies. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les habitants du site Gisagara se trouvant en zone Matiazo de la commune Mubimba en province de Bujumbura indiquent que différentes organisations non gouvernementales les ont sensibilisés à la lutte contre la variole du singe. Certains d'entre eux disent avoir bien accueilli les enseignements, même s'il est difficile pour certains de ne pas se saluer. Suivez ce micro-baladeur de la radio Isanganiro. Nous essayons de nous prévenir contre cette maladie. On se lave régulièrement les mains. Des dispositifs pour le lavage des mains sont installés à travers tout le site. Des organisations ne cessent de nous appuyer et des sensibilisations ont été menées. Tout le monde est obligé de se laver les mains avant d'entrer dans le site. Nous nous réjouissons qu'aucun cas de variole du singe n'est pas encore été découvert dans ce site. Nous entendons la variole du singe par la voix des ondes. Heureusement que Dieu nous protège, puisque nous n'avons pas encore connu aucun cas de cette maladie. On nous sensibilise qu'il faut se laver les mains. Nous respectons la mesure, mais il est difficile de trouver du savon. Je considère que Dieu nous garde et c'est pour cela que je ne cesse de saluer mes voisins. On collabore avec les trois associations qui nous supportent ici dans les sites, surtout l'association SAD, l'association Global Development Community et la fondation STAM. Ces trois associations nous facilitent surtout dans la sensibilisation. en éduquant la population qui habite ici dans ces sites d'utiliser, de se laver avec l'eau potable, aussi en utilisant les savons. En parlant de variole du singe, une situation actualisée jusqu'au 26 septembre de cette année, des données de OCHA Burundi, l'agence onusienne œuvrant dans l'humanitaire. Selon cette agence, 5 pays de l'Afrique australe et orientale, dont le Burundi, sont affectés par cette épidémie de variole du singe, avec des données au Burundi, 739 cas confirmés, 25 cas pour l'Afrique du Sud, 24 cas en Ouganda, 7 cas pour le Kenya et 6 cas confirmés pour le Rwanda. Le ministère en charge de l'énergie et mines est en train de collaborer avec les parties prenantes pour l'extraction des minerais récemment déclarés sur le site d'Imurehe en province Kirundo. C'est au nord du Burundi. Une annonce du ministre Ibrahim Wizeye en charge des minerais lors des questions orales à l'Assemblée nationale mercredi de cette semaine. En ce qui est des poursuites avec les anciens exploitants de ce site, le ministre Wizeye indique que certains cadres complices de son ministères ont été licenciés. Le point avec Omer Douayo. Se basant sur des photos et images qui leur ont été présentées, le député Bed Nyandoui trouve que le site de Murehe n'est pas nouveau. Il veut cependant savoir s'il y a eu poursuite à la société qu'il exploitait. Est-ce que le site de Murehe qui nous a été récemment annoncé était découvert pour la première fois ou encore il existait déjà? Si le site était fonctionnel, les exploitants ont-ils été poursuivis? À voir les photos qui ont été présentées. Il paraît que le site avait été exploité il y a longtemps par des inconnus. Ont-ils été poursuivis? Une question à laquelle le ministre ne répond pas directement, indiquant que seuls les cadres du ministère complices ont été renvoyés. À Murehe, il s'est manifesté que certains avaient voulu exploiter le site tout en indiquant la production qui devrait être tirée de ce lieu. Nous avons constaté que les services en charge de ce site n'ont pas fait un suivi adéquat et c'est pour cette raison que nous avons sanctionné des responsables et par conséquent, des changements ont été opérés à la tête de différents services du ministère. Le président de la République a fait une descente sur les lieux et après, les chargés de ce site ont indiqué que le président n'avait pas raison. Et de l'autre côté, des gens ont adressé une correspondance à la société comme une demande d'explication. Des initiatives d'extraction des minerais de Murehe sont en phase de négociation entre les parties prenantes pour que ces mines soient bénéfiques pour le pays, explique le ministre Ibrahim Wizeye. Nous nous préparons pour l'exploitation de ce site et le cas échéant, permettre à des citoyens d'y mettre leurs actions et même des apports en industrie. Nous sommes à l'œuvre avec différents acteurs pour que la production de ce site nous soit profitable. La société qui se chargeait de l'extraction des mines de Murehe a fait 25 ans d'opération. Le ministre Ibrahim Wizeye rappelle qu'il lui restait encore 3 ans. Omer Ndouayo, deux hommes locataires d'une maison sur la colline Mwangé en commune. Les provinces Lumonge sont dans les mains de la police judiciaire de Lumonge. Depuis ce samedi matin, ils sont soupçonnés d'être parmi les fraudeurs de mazout de l'entreprise SOGEA Satom, réhabilitant la route nationale numéro 3 tronçon Lumonge-Gitaza. Cela après la saisie de plus de 120 litres de mazout conservés dans leur chambre. La police de Lumonge confirme leur arrestation pour enquête afin d'être traduit en justice. Restons en province Lumonge pour parler éducation. L'effectif des abandons scolaires dans cette province est passé de plus de 10 000 au courant de l'année scolaire 2022-2023, plus de 13 000. L'année scolaire 2023-2024, enseigne Andrew, directeur provincial de l'éducation de Lumonge, dit que beaucoup de cas d'abandon scolaire ont été dans les premières années et septièmes années. Son responsable scolaire demande aux directeurs d'école et aux enseignants de s'investir afin d'inverser la tendance. Une correspondance signée Jean-Pierre Misago. Selon les statistiques disponibles à la direction provinciale de l'éducation de Lumonge, 13 879 cas d'abandon scolaire ont été enregistrés au cours de l'année scolaire 2023-2024. alors qu'ils étaient à 10 704 au cours de l'année scolaire précédente, et cela de l'école maternelle au poste fondamental. Les effectifs les plus élevés ont été observés dans les premières et septièmes années. Dans les premières années, parce que certains directeurs d'école y enregistrent des enfants n'ayant pas encore atteint l'âge scolaire compris entre 6 et 7 ans, requis à ce niveau, et cela dans l'optique de gonfler les effectifs d'élèves à leurs écoles. Et dans les septièmes années, les élèves abandonnent l'école après l'échec ou tout simplement au courant de l'année scolaire, car inhabitués au rythme de travail exigé à ce niveau, fait remarquer Anissé Nyandoui, directeur provincial d'éducation de Rumonge. Et pour inverser la tendance, ce responsable de l'éducation à Rumonge exige l'inscription des écoliers dans les premières années sur présentation des extraits d'actes de naissance et ordonne aux enseignants des trois premiers cycles du fondamental d'habituer les apprenants à faire beaucoup de devoirs à domicile afin de les habituer, de les aider à affronter facilement le quatrième cycle du fondamental et éviter de dispenser des cours du soir aux apprenants de leur classe. Anissé Nyandoui prévient que des descentes sur le terrain seront organisées pour vérifier si ces mesures sont observées. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Tout de suite après cette édition, vous suivez la revue de presse avec Jean Bosco Nduwiman. Mireille Kanyang. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir. La disponibilité des intrants agricoles, une nécessité, note Burundi Echo. En effet, la saison culturelle 2025A arrive à grands pas. Dans toutes les provinces, les agri-éleveurs s'apprêtent pour le semis. Le ministère en charge de l'agriculture recommande aux responsables communaux de les accompagner depuis les préparatifs jusqu'à la récolte. Pourtant, fait remarquer ce journal, l'insuffisance des intrants agricoles demeure le problème majeur des agriculteurs. Lors de la présentation de l'état des lieux des stocks de semences et des engrais, les directeurs des bureaux provinciaux en charge de l'agriculture et de l'élevage ont évoqué l'insuffisance des semences de maïs et de pommes de terre dans les stocks provinciaux, rapporte ce confrère. La production de l'Isabou ne peut pas couvrir tous les besoins, souligne-t-il. Et pour pallier à ce déficit, poursuit cet hebdomadaire socio-économique, cette institution est appelée à distribuer les semences disponibles aux multiplicateurs semenciers pour le bon démarrage de la saison culturelle A et pour répondre aux besoins des agriculteurs en semences durant la saison culturelle 2025B. Il est aussi crucial d'activer les laboratoires pour la production des vitroplans et de fournir les quantités nécessaires à la production des souches au niveau des serres. De l'autre côté, écrit toujours Burundi Echo, le coût des semences sélectionnées fournies par l'Isabou et d'autres opérateurs privés est insupportable pour certains agri-éleveurs burundais. Le secteur de l'éducation peine à attirer, titre l'éditorialiste du journal Iwachu, qui, sans être exhaustif, relève plusieurs défis qui hantent le secteur de l'éducation, comme le manque de cohérence des programmes qui ne sont pas adaptés aux besoins du marché de l'emploi, un enseignement plus théorique que pratique, manque de laboratoires, d'ordinateurs, de connexions Internet, etc., des effectifs très élevés dans les classes, des universités sans innovation. Mais, pour son confrère, la question des enseignants qualifiés et performants se pose avec acuité. Selon les observateurs cités par cet hebdomadaire, le pays peine à attirer et conserver des enseignants de qualité en grande partie à cause de la faible motivation. Offrir à tous une éducation de qualité est au cœur de l'agenda éducation 2030, rappelle le journal Iwachu. Pour atteindre cet objectif, relève son confrère, il faudra des enseignants qualifiés, formés, correctement rémunérés et motivés. On aura ainsi redoré le blason de la seule profession qui crée toutes les autres professions, conclut le journal Iwachu. Revue de la presse. Même les juges en sont victimes, constate Net Press. En effet, 3 juges du tribunal de grande instance de Bururi restent détenus malgré leur acquittement à la Cour suprême. Léonard Nizigimana, Irène Mokeshimana et Antoine Ngendakumana étaient poursuivis pour complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Selon des informations parvenues à son confrère, ils avaient interjeté appel et le juge d'appel les avait blanchis au mois de mars 2024. Ce 24 septembre, ils ont été informés que la Cour suprême a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel et avait remis les amendes judiciaires à charge du Trésor public. Leur maintien en détention indispose leurs collègues de cette entité provinciale, souligne ce quotidien à ligne, qui fait remarquer qu'une telle décision en rappelle une autre d'une dame, Emilienne Sibomana, secrétaire au lycée Christ-Roi de Mouchacha dans la province de Gitega, qui a été acquitté depuis le mois de juillet dernier, mais qui est toujours derrière les verrous. On termine cette revue de presse avec l'agence burundaise de presse qui rapporte que plus de 150 ménages de la colline Gitsira, en commune Bubanza, sont menacés ces derniers jours par des insectes semblables aux puces. Ces insectes ont fait irruption sur cette colline il y a une semaine et se propagent vite car ils volent. Certains habitants de cette colline, rencontrés par la BP au chef-lieu de la commune Bubanza, indiquent que ces insectes les piquent, surtout pendant la nuit, et les empêchent de dormir. D'autres pensent que ce sont des puces et s'inquiètent qu'ils seront attaqués par des chiques et d'autres maladies. Ils demandent que ces insectes soient identifiés, de même que les insecticides qui peuvent les tuer, écrit l'agence burundaise de presse. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Nduwimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.